Bonjour à toutes et tous, c'est l'heure du mag sur Radioactive et aujourd'hui dans ce mag, direction Amboise pour parler sport, patrimoine mais aussi solidarité. Le samedi 8 février, près de 1000 coureurs et randonneurs vont arpenter les chemins historiques de la ville lors de la ronde solidaire du Val d'Amboise. Une course nature unique qui traverse des lieux emblématiques comme le Clos Lucé, le Château Royal et Château Gaillard. Alors pour en savoir plus sur cet événement incontournable, nous accueillons Bruno Huguet aujourd'hui. Bruno est secrétaire de l'association organisatrice et il va nous expliquer à quoi nous attendre pour cette journée du 8 février. Bonjour Bruno. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine de cet événement qui est la Ronde solidaire du Val d'Amboise ? Alors en effet, c'est une course nature qui est pour la recherche contre la sclérose en plaques. Ça a été initié par une personne qui a la sclérose en plaques, qui était président de l'ARCEP, une fondation pour la recherche contre la sclérose en plaques. Et cette personne-là a travaillé sur Paris et a rencontré une personne de la commanderie des Grands Vins d'Amboise. Je crois que c'était le grand maître de l'époque, donc dans les années 2014. Et à l'époque, il y avait la fête de la Saint-Vincent qui était organisée par la commanderie et le syndicat des vignerons d'Amboise. Mmh. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas assez de monde à la fête de la Saint-Vincent. Et donc, ils ont voulu créer une fête commune, une organisation commune. Et c'est là où est née la première édition de la Ronde solidaire du Val d'Amboise, qui s'appelait à l'époque la Ronde solidaire des vignerons d'Amboise, pour justement faire le lien entre la commanderie, le syndicat des vignerons et l'ARCEP. Donc une initiative solidaire qui venait compléter les effectifs un petit peu de la confrérie des Grands Vins d'Amboise. Tout à fait. Donc après la ronde solidaire, bon, il y a eu une période de Covid où pendant 3 ans, il n'y a pas eu de course. Et, oui. Et en 2021, pour des problèmes justement de logistique et d'organisation, la ronde solidaire du Val d'Amboise a été créée, donc une association loi 1901, pour justement faire une séparation juridique entre la commanderie des Grands Vins d'Amboise et l'association solidaire qui organise ces courses nature. Bien sûr que chacun ait bien son objet avec ses missions. Ça, on en avait parlé il y a quelques jours en présence d'un autre invité qui était Robert Cronier, 7e grand maître de la confrérie des Grands Vins d'Amboise et qui nous avait effectivement déjà parlé de cette initiative qui le tenait à cœur. Donc cette ronde, elle aura lieu le 8 février prochain. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces sites emblématiques qui vont être traversés par le parcours finalement de cette ronde? On commence à la place Michel Debré, où donc le départ et l'arrivée se situent. Et bon, cette année, il y a une petite nouveauté, c'est que comme il y a des travaux au niveau de la municipalité rue Victor Hugo, oui, on a dû justement changer de parcours. Donc bon, on va revenir, je pense, à la rue Victor Hugo pour l'année prochaine. Mais donc d'abord, il y a un petit parcours d'1 kilomètre que les enfants feront dans une course séparée tout au début de l'après-midi. Et donc c'est une course, on va dire, pour les enfants d'1 kilomètre. Pour les adultes, c'est ce qu'on appelle l'échauffement. Donc une course d'1 kilomètre et après on monte à la Tour Heurtaut dans le Château Royal et on traverse le parc, on sort à la Porte des Lions et on descend vers le Clos Lucé et on traverse donc le jardin du Clos Lucé. Et après, on fait le 3e château pour l'instant, car on envisage peut-être 1/4e château pour la 10e édition. Ah. Mais pour l'instant, c'est une surprise. Et donc, on va au Château Gaillard. Et après, on remonte par le carrefour de la Patouille vers les vignes, et donc les vignes d'Amboise, de Chargé et de Sainte-Règle, en fonction du parcours. Donc il y a le parcours en trail de 10 km, un parcours de 20 km en trail, une randonnée de 10 km, et donc, comme je l'ai dit, une course enfant de 0,8-0,9 km. Alors c'est presque l'occasion de faire du tourisme, cette course, puisqu'on traverse des lieux qui sont quand même exceptionnels hein, dans notre paysage amboisien, Clos Lucé, Château Royal, Château Gaillard. C'est presque dommage de les traverser en courant. Alors, c'est pour ça qu'on a aussi créé la randonnée, parce qu'en effet, on peut à ce moment-là prendre un peu plus de temps, mais justement, ce n'est pas une visite touristique. Et oui, en effet, on a eu quelques remarques il y a 2 ans, parce qu'en effet, les randonneurs se permettaient d'aller prendre des photos photos, d'aller visiter, de rentrer le château. Ah, c'est pas obligé. Donc on insiste et là, on met justement des bénévoles, des associations, donc c'est soit les Sampa, les Isloirs et l'AVF, aux trois châteaux pour justement signaler aux randonneurs et aux coureurs le parcours et éviter tout, on va dire, débordement de principe. Parce que donc on a des contrats qu'on a signés avec les propriétaires. Bah, évidemment, puis le respect des lieux, tout simplement. C'est le respect des lieux, sachant qu'on est dans une période, en effet, peut-être un peu plus calme touristiquement, mais qu'il n'est pas question, en effet, de prendre trop de temps et de gêner les touristes qui souhaitent, en effet, et qui payent leur entrée pour visiter ces sites touristiques. Après, ceux qui participent à la course peuvent aisément reprendre du temps par la suite pour visiter les sites si jamais ça a attiré leur attention. Enfin, ça semble un petit peu... C'est un peu l'objectif, c'est de faire découvrir par ces courses-là, donc Amboise et les alentours d'Amboise. Puis ça fait vivre la vie locale en plus. Hein. Exactement. Donc, commerce, les hôtels. J'espère même s'approcher des 1000 coureurs cette année. Et donc, un de ces jours, je pense qu'il faudrait envisager justement de partir sur un parcours et des autorisations au niveau de la préfecture pour créer un événement beaucoup plus important. Car c'est vrai que d'année en année, on a 200 ou 300 coureurs de plus et ça devient une course, on ne va pas dire nationale, mais ça vient de toute la France régulièrement. Et c'est quelque chose qui est connu et reconnu. Justement, en termes logistiques, ça doit être énorme à préparer. Oui, en effet. Heureusement, comme c'est la 9e édition cette année, il y a des gens qui connaissent bien le travail et qui ont l'habitude d'organiser ces courses-là. Donc, ça va. Mais moi qui ai un peu le petit nouveau dans dans l'association, c'est vrai que je découvre beaucoup de choses. Et toute l'organisation, que ce soit au niveau du médecin, des secouristes, de la préfecture, de la gendarmerie, etc. On n'imagine pas quand on est en dehors d'une organisation tout ce que ça soulève. Voilà. Donc c'est énormément de préparatifs. Il y en a qui disent que quand on finit une course, il faut préparer l'année suivante. C'est quasiment ça. On se laisse, on va dire, 2-3 mois de repos, mais déjà, dès le mois d'avril et mai, on recommence à travailler sur l'édition suivante. Mais j'ai presque envie de dire même avant, puisque vous parlez déjà peut-être encore d'un autre château. Donc, c'est qu'il y a déjà des choses qui sont en train d'émerger, vous voyez. Voilà, ça c'est une remarque d'un coureur lors de l'inscription. Donc, les inscriptions se font sur Click et Go, et qui m'a renvoyé un petit message en disant... Monsieur Huguet, c'est bien, mais quand est-ce que vous changez un peu de parcours? Parce que ça devient un peu répétitif. Donc, en effet, cette remarque, je l'ai eue il y a un mois et demi. Vous allez faire remonter, peut-être? Je l'ai fait remonter lors d'une réunion. Et en effet, notre président Dominique Percereau a envisagé déjà un changement de parcours et donc peut-être encore un petit crochet. Ok, très bien. En même temps, c'est vrai que c'est une belle vitrine aussi pour la ville, ces lieux-là. Donc, pour des gens qui n'ont jamais participé, c'est quand même magnifique, ce parcours. Oui, c'est vraiment... l'année dernière, le temps n'était pas avec nous, donc il a plu quasiment toute la journée. Je crois que c'était que lors de la remise des récompenses où, en effet, le soleil est apparu, mais sinon, c'était sous la pluie. Et pourtant, c'était encore une année quasiment record de participation, ce qui veut bien dire que cette course est connue et reconnue et qu'en effet, le parcours est fantastique et on essaye toujours d'avoir des retours pour pouvoir l'améliorer. S'il y a un coin est un peu trop dangereux ou un peu trop, on va dire, facile, je ne dis pas que l'objectif, c'est de le corser. Hein. Ce n'est pas comme, on va dire, le Tour de France ou l'objectif, ou d'autres sports de compétition où l'objectif, c'est d'avoir du spectacle. Nous, on ne veut pas le spectacle, mais c'est le plaisir des coureurs et arriver à avoir justement des retours positifs tout au long de cette fin de journée. En tout cas, vous êtes victime de votre succès, ça prouve bien que ça plaît, oui, ça plaît au public. Tout à fait. J'ai entendu dire, Bruno, que vous aimiez bien Queen. Oui. C'est vrai, hein? Oui. Eh bien oui, c'est vous-même qui me l'avez dit, donc j'ai pas eu beaucoup de difficultés à le deviner. Alors je vous propose une chanson qui est de circonstance, c'est We Are the Champion de Queen qu'on écoute ensemble, et puis juste après, on reviendra sur cette ronde solidaire. I paid my dues. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race. Toujours sur Radioactive dans le mag, c'était Queen, We Are the Champions. Et si vous aussi vous avez envie de jouer les champions, n'hésitez plus à vous inscrire le samedi 8 février pour le trail de la ronde solidaire du Val d'Amboise, un moment qui sera à la fois sportif mais surtout convivial et surtout encore plus solidaire, puisque rappelons que cette course nature a pour vocation d'alimenter le fonds pour la recherche contre la sclérose en plaques. C'est important, c'est à l'origine de ce beau projet qu'est venu nous présenter aujourd'hui Bruno Huguet, qui est secrétaire de l'association La Ronde Solidaire du Val d'Amboise. Alors, je voulais qu'on revienne, Bruno, moi, sur les parcours. Avec, il y a des parcours adaptés, il y a plusieurs kilomètres pour les enfants, il y a notamment une course qui est, et ça c'est important, qui est encadrée. Et qui est gratuite d'ailleurs pour les enfants. Oui, tout à fait. C'est une course qui existe depuis plusieurs années et qui permet justement, que ça soit avec les parents et les enfants, de faire une course de 0,8-0,9 km. Mmh. Donc dans le centre-ville d'Amboise, malheureusement, on ne peut pas aller trop loin non plus. Et c'est une course qui est encadrée par des coureurs de l'association Défi Sport Solidaire. Cette association donc, co-organise avec la Ronde Solidaire cette journée du 8 février et tous les profits vont pour la Fondation France Sclérose en Plaques, pour la recherche et le financement et l'aide des patients qui sont atteints de la sclérose en plaques. Et donc cette course est encadrée. Il y a la présence depuis 2 ans, donc ça va être la 2e année, d'un coach sportif. Et sincèrement, voir des enfants de 5-6 ans s'échauffer et prendre le plaisir devant un public important, de lever les bras, de courir, de s'échauffer et après de faire cette course-là, c'est super mignon. Et il y a encore beaucoup de place et n'hésitez pas à vous inscrire à cette course enfant, que ce soit les parents, bien sûr, avec vos enfants. C'est quelque chose de très sympa et en tout cas, c'est l'objectif de l'association qui amène un début de joie dans cette longue journée pour après les coureurs où, en effet, il y a une randonnée de 10 km et deux trails de 10 et de 20 km. Voilà, puis alors rappelons-le, cette course pour les enfants qui est encadrée, elle est aussi gratuite. Il suffit de faire une autorisation écrite, puisque c'est obligatoire évidemment, oui. Et ça concerne les enfants qui sont nés entre 2014 et 2018, parce qu'évidemment trop petits, c'est un peu compliqué. Alors c'est le moment pour nous de le dire, hein, pour s'inscrire, il suffit d'aller sur www.cliquego.com et là-dessus, oui. Sur cette plateforme-là, vous pourrez participer en vous inscrivant. Tout simplement. J'en profite aussi pour transmettre l'adresse mail de l'association qui est la.rsva.37@gmail.com si vous voulez remplir votre bulletin d'inscription et la renvoyer par mail à Bruno, puisqu'il est secrétaire. C'est exactement. Lui qui va réceptionner tout ça et vous dire si votre certificat... Alors, d'ailleurs, ce n'est pas certificat médical, mais votre attestation parcours prévention santé... est homologué ou non, parce que, alors ça, c'est une nouveauté. Oui. Depuis peu, on ne va plus chez le médecin pour demander une attestation médicale, mais maintenant, on peut la télécharger sur le site atlée.fr. Oui. Tout à fait, c'est nouveau depuis quand même quelques mois. Et le certificat médical qui était valable à un an est remplacé pour les courses d'athlétisme et donc pour notre course à nous par l'attestation prévention parcours santé qui est simplement une sensibilisation au risque cardiaque de trop courir, de courir sans échauffement. Et c'est trois petites vidéos de 45-50 secondes à regarder. Et à l'issue de ce visionnage, l'attestation est automatiquement rempli, donc il suffit de nous la faire parvenir et comme ça votre inscription est validée. Et elle est valable 3 mois, donc si vous voulez faire un autre trail le mois suivant, ce sera possible. Tout à fait. Ok. Alors, est-ce qu'en dehors des courses, il y a des moments conviviaux, j'imagine, qui vont être organisés autour, notamment alors pendant les courses, les points de ravitaillement, mais après la course, est-ce qu'il y a un dîner de prévu ? Dites-nous tout. Alors, il y a un ravitaillement donc à l'arrivée, donc un grand ravitaillement pour tout le monde, donc que ce soit pour les enfants, bien sûr, et pour tout ce qui est coureur et marcheur. Mm-hmm. Et pour le parcours de 10 km, il y a un ravitaillement vers les 6 km. Et pour le 20 km, donc il y a 3 ravitaillements qui s'étalent à peu près 6, 8 et 14 km, je crois. Et le ravitaillement, bien sûr, à l'arrivée. Donc, l'objectif, c'est de, que tout le monde arrive déjà en bonne santé et que ça soit un plaisir. Hein. Ce n'est pas une course, même s'il y a des gens qui essayent de battre des records, ça, c'est normal. Ça, y a toujours des champions dans l'âme. Voilà. Et moi, le premier, je peux en effet que valider ce souhait de toujours de se surpasser. Mais en effet, à l'issue de cette journée, il est prévu un repas solidaire à la cave au fouet. Donc, un repas avec tous les coureurs, les organisateurs, avec la commanderie des Grands Vins d'Amboise, parce qu'en effet, la Ronde Solidaire, en collaboration avec Défi Sport Solidaire, mais il y a là aussi la présence de la commanderie des Grands Vins d'Amboise, et il est prévu donc une cérémonie d'intronisation à la cave au fouet, donc avec une animation musicale. L'objectif, c'est toujours de passer un bon moment après une course qui, je l'espère, sera une réussite, en espérant que le beau temps soit avec nous. Il le sera dans les sourires, c'est sûr. C'est sûr. Alors, il y a beaucoup de bénévoles qui sont mobilisés. Vous le disiez en première partie d'émission, une centaine de bénévoles mobilisés sur cette animation de la Ronde Solidaire. C'est quoi les rôles de chacun ? Alors, dans les 100 bénévoles, on répartit ça, on va dire, en 3 groupes. Donc, les 3 associations que j'ai citées tout à l'heure, les Sampa, les Isloirs et l'AVF, qui vont être donc dans les 3 châteaux. Et il y a les bénévoles par rapport à toute l'organisation, que ce soit le vendredi pour la remise des dossards, le samedi pour les dernières inscriptions et la remise des dossards, et toute l'organisation de la présence pour le ravitaillement. Donc c'est l'organisation de la course. Et les derniers bénévoles qui sont indispensables, c'est ceux qui sont tout au long des 20 km du parcours, où ils ont un rôle non pas de signaler le parcours, mais de sécuriser ce parcours-là. Car en effet, il y a des arrêtés qui sont pris pour arrêter la circulation. C'est toujours délicat. Quand on parcourt des rues où il y a des maisons, les gens veulent sortir de chez eux, veulent aller faire des courses. Donc, c'est toujours dangereux. Donc, ces signaleurs-là sont présents pour la sécurité de l'ensemble des coureurs et des randonneurs pour éviter tout risque d'accident supplémentaires. Donc ils ont un rôle très important et en effet, chaque année, c'est toujours un peu... On a toujours besoin de bénévoles parce que on s'aperçoit que sur un tel endroit, il s'est passé quelque chose parce qu'il y a eu un camion, une camionnette qui voulait forcer parce qu'il voulait aller travailler. Bon, il y a toujours eu des petits problèmes, donc on a besoin toujours de bénévoles pour sécuriser la course et pour que cette course puisse être pérennisée sur du long terme. Et que tout se passe dans les meilleures conditions. Et d'ailleurs, ces bénévoles-là sont déclarés en préfecture. Tout à fait, tout à fait. On voit bien que les précautions sont prises. Eh bien Bruno, je vous propose qu'on rappelle les coordonnées une nouvelle fois. Donc pour trouver son bulletin d'inscription et pour le renvoyer, c'est à la.rsva.37@gmail.com. Cette ronde solidaire, elle aura lieu le 8 février prochain avec un point de départ à la place Michel Debré. On rappelle également que tous les bénéfices de cette course iront à la Fondation France Kérosan Plaque. Donc c'est quand même un moment de convivialité, mais on pense à toutes les personnes que l'on connaît qui peuvent être atteintes de la sclérose en plaques. Donc c'est un moment de solidarité et pour le plaisir de tous. Eh bien, sur ces bons mots, écoutez, merci beaucoup d'être venu dans notre studio aujourd'hui. Une première pour Bruno qui s'est prêté au jeu de l'interview radio. Ça a été impeccable. Bon, très bien, je reviendrai très rapidement. Très bien. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce mag. On se retrouve demain à 18h pour une nouvelle édition. À bientôt, au revoir Bruno. Merci, au revoir.